Je suis fâché de faire tant de filles amoureuses de moi. Mais, comme il n'y a pas de quoi être bien vain du parti que j'ai tiré de toutes ces amours-là, je crois pouvoir dire la vérité sans scrupule. La mère Serret, plus jeune et moins déniaisée que la Giraud, ne m'a jamais fait des agaceries aussi vives. Mais elle imitait mes tons, mes accents, redisait mes mots, avait pour moi les attentions que j'aurais dû avoir pour elle, et prenait toujours grand soin, comme elle était fort peureuse, que nous couchassions dans la même chambre. Identité qui se borne rarement là, dans un voyage, entre un garçon de 20 ans et une fille de 25. Elle s'y borna, pourtant, cette fois. Ma simplicité fut telle que, quoique la mère Serret ne fût pas désagréable, il ne me vint pas même à l'idée, durant tout le voyage, je ne dis pas la moindre tentation galante, mais même la moindre idée qui s'y rapporta. Et quand cette idée me serait venue, j'étais trop sot pour en savoir profiter. Je n'imaginais pas comment une fille et un garçon parvenaient à coucher ensemble. Je croyais qu'il fallait des siècles pour préparer ce terrible arrangement. Si la pauvre mère Serret, en me défrayant, comptait sur quelque équivalent, elle en fut la dupe, et nous arrivâmes à Fribourg exactement comme nous étions partis d'Annecy. En passant à Genève, je n'allais voir personne, mais je fus prêt à me trouver mal sur les ponts. Jamais je n'ai vu les murs de cette heureuse ville, jamais je n'y suis entré sans sentir une certaine défaillance de cœur qui venait d'un excès d'attendrissement. En même temps que la noble image de la liberté m'élevait l'âme, celle de l'égalité, de l'union, de la douceur des mœurs, me touchait jusqu'aux larmes et m'inspirait un vif regret d'avoir perdu tous ces biens. Dans quelle erreur j'étais, mais qu'elle était naturelle. Je croyais voir tout cela dans ma patrie, parce que je le portais dans mon cœur.